إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد serviteurs d'Allah, il n'y a pas de doute que la manière dont on conclut nos œuvres est une chose très importante. Et les salaf, rahimahumullah, ils donnaient une grande importance à la manière dont ils concluaient leurs œuvres. Et ce, en prenant pour modèle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala décrivant ses serviteurs croyants lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a donc décrit dans ce verset ses serviteurs croyants en disant qu'ils donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils font comme œuvre pieuse et comme adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala et comme effort dans celle-ci. Et malgré cela, ils ont une grande peur et une grande crainte de leur Seigneur. Pourquoi? Car ils ne savent pas si leurs œuvres et si leurs efforts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Donc l'homme, il ne doit pas s'enorgueillir et être épris de fierté de par les œuvres qu'il a accomplies. En effet, quelles que soient les œuvres que tu accomplis, quels que soient les efforts que tu as faits dans l'adoration, tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala les a acceptés ou non. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas tes œuvres, alors tes œuvres ne te seront d'aucun profit. Même si elles sont nombreuses, même si elles sont immenses, à partir du moment où elles sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne seront que poussière éparpillée et fatigue sans aucun profit et sans aucun intérêt. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté tes œuvres, même si elles sont peu, aussi minimes soient-elles, alors Allah subhanahu wa ta'ala les décuplera. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'une fourmi, fût-ce du poids d'un grain. Si c'est une bonne action, alors il la décuple et il accorde une grande récompense de sa part. Donc les œuvres que tu accomplis, ce ne sont que des causes. Et ce que tu recherches, c'est l'agrément et l'acceptation de ces œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tes œuvres ne sont pas acceptées, alors elles n'ont aucune valeur et elles ne te seront d'aucun profit. Mais si elles sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci sera un grand bien pour toi au jour de la résurrection. Et le serviteur, ce qu'il possède, lui, c'est l'accomplissement des causes. Quant à l'acceptation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la possède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a connaissance de tes intentions. C'est lui qui a connaissance de ta sincérité. C'est lui qui a connaissance de ce que cache ta poitrine. Cependant, le croyant, il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le laissera pas. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la récompense à ses serviteurs, aussi minimes soient leurs œuvres, tant qu'ils ont rempli les conditions pour que leurs œuvres soient acceptées, qu'ils ont été sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont accompli leurs œuvres conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il nous incombe à nous, c'est de multiplier les œuvres pieuses, de les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, espérant la récompense qu'il y a auprès de lui, et de ne pas désespérer de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, tu ne dois pas être épris de tes œuvres. Tu ne dois pas t'enorgueillir et penser que tu as accompli beaucoup pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, au contraire, tu dois savoir que tu as des manquements. Tu dois savoir que tu n'es pas infaillible. Et tu dois demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accepter tes œuvres et de faire que ces œuvres soient agréées auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, tu dois faire suivre tes œuvres de l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, comme on a dit, nul n'est à l'abri de l'erreur. Nul n'est à l'abri des manquements. Nous avons tous dans nos œuvres des manquements, des fautes et des défaillances. Et il se peut que l'un d'entre nous ait accompli beaucoup d'œuvres. Il accomplit un grand nombre d'œuvres pieuses, mais que ces œuvres soient défaillances. Car il se peut que tu aies accompli des choses qui aient corrompu tes œuvres, ou qui en aient diminué la récompense, ou diminué la valeur. Donc multiplie l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que cela comble cette défaillance et ces manquements. L'homme donc, lors de la conclusion de ses œuvres et de ses adorations, il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme à la fin de la prière. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu termines ta prière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, à la fin du mois de Ramadan, le musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le jeûne de ce mois, à qui il a facilité la veillée en prière durant ses nuits au long de ce mois, il doit faire suivre cela de l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'avilissement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas penser que tu as atteint ton but, tu ne dois pas penser que tu as atteint la finalité et que tu as œuvré d'une façon dont tu es sûr qui est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne sais pas. Il se peut qu'il y ait beaucoup de défaillances dans tes œuvres. Il se peut qu'il y ait beaucoup de manquements dans tes œuvres. Donc tu dois multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois mépriser tes œuvres, les considérer peu vis-à-vis du droit immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs. Regarde ses serviteurs croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans sa parole. Ils donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire ils font ce qu'ils font comme œuvre. Mais leurs cœurs sont craintifs. Leurs cœurs sont remplis de peur vis-à-vis de la rencontre de leur Seigneur. Ils ne se sentent pas à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne disent pas, comme le font certaines personnes, « Ah, moi j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ce que j'avais à faire durant ce mois. » Non, abadan. Le croyant, il ne prononce pas ce genre de paroles. Tu ne dois pas être épris de tes œuvres. Tu ne dois pas t'enorgueillir et penser que tu as atteint la finalité. Tu ne dois pas recommander et penser que tes œuvres sont pures et bonnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le nombre d'œuvres que tu as accomplies, tu ne sais pas si tes œuvres sont acceptées auprès d'Allah. Tu ne sais pas si tes œuvres ont été acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit mépriser les œuvres qu'il a accomplies. Il doit les considérer comme moindres vis-à-vis du droit immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs. Et quelles que soient les œuvres que tu as accomplies, tu n'as aucune connaissance et aucune science qui te permet de savoir si elles sont acceptées ou non auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, nombreuses sont les mauvaises actions qu'accomplit le serviteur. Nombreux sont les péchés qu'il accomplit avec sa langue, avec ses mains, avec ses yeux, avec ses oreilles. Il accomplit des mauvaises actions de jour et de nuit et il se peut que ses péchés prennent le dessus sur ses bonnes actions. Donc le musulman, ce qu'il se doit de compter, c'est ses péchés. Le musulman, il doit faire son examen de conscience, se demander des comptes, compter ses péchés et ses mauvaises actions afin d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir de ses mauvaises actions. Il ne compte pas ses bonnes actions. Il ne dit pas « Moi j'ai prié la nuit, moi j'ai lu tant de fois le Coran, moi j'ai jeûné comme ceci et comme cela, j'ai accompli cela comme aumône, etc. » Non, tes bonnes actions, tu les confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'acceptation de tes bonnes œuvres. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera pas perdre la récompense de tes bonnes œuvres. Tes œuvres, elles sont préservées auprès d'Allah. Cependant, tu dois avoir peur que celles-ci ne soient pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu n'as pas besoin de les recenser. Elles sont notées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense de ses serviteurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Et Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. En l'occurrence, ce qui est visé ici dans ce verset, c'est la prière. Allah est certes compatissant et miséricordieux envers les gens. Donc tu ne dois pas avoir peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse perdre la récompense de tes bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres, tu les confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les accomplis de la meilleure manière. Tu purifies ton intention afin que tes œuvres soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'écartes de toute forme d'ostentation, de toute chose qui pourrait venir entacher ton œuvre. Également, tu accomplis tes œuvres conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, tu crains les manquements provenant de ta propre personne. Tu crains tes erreurs, tu crains tes péchés, tu crains tes mauvaises actions qui peuvent te mener à ta perte. C'est pour cela que tu dois te demander des comptes à ta propre personne. Tu dois penser à tes péchés, penser à tes mauvaises actions que tu as accomplies, car nul n'est à l'abri des péchés. Et pour chaque péché, tu dois implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et te repentir à lui. C'est cela qui incombe au serviteur. Et en cette fin de mois, en cette fin de Ramadan, les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, ils multipliaient l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir à Allah, car ils avaient peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Regardez comment était leur situation. Ils faisaient des efforts immenses dans l'adoration durant le mois de Ramadan. Qui parmi nous accomplit les efforts qu'accomplissaient les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, durant le mois de Ramadan? Ils faisaient des efforts immenses dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, ils avaient peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leurs œuvres. Alors ils imploraient son pardon, ils se repentaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est même rapporté de certains d'entre eux qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala durant 6 mois afin qu'il les fasse atteindre le mois de Ramadan, afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'ils étaient durant le mois de Ramadan, ils jeûnaient, ils priaient, ils multipliaient les œuvres pieuses. Et après cela, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala durant 6 mois afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs œuvres. Telle était la situation des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Eux qui sont nos exemples, eux qui sont nos modèles. Ils faisaient des efforts immenses dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et malgré ça, ils craignaient de voir leurs œuvres rejetées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient peur. Ils craignaient que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Car c'est ça la finalité de tes œuvres. La finalité, ce n'est pas que tu jeûnes, que tu pries, que tu lises le Coran, etc. Mais la finalité, c'est que toutes ces œuvres que tu as accomplies, elles soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, tu dois purifier ton intention, les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas être épris de fierté de par ses œuvres. Et parmi les signes de l'acceptation des œuvres durant le mois de Ramadan ou autre, il y a le fait que le croyant fasse suivre la bonne action d'une autre bonne action. Donc si le musulman a accompli des bonnes œuvres durant le mois de Ramadan et s'est comporté convenablement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se doit de multiplier les œuvres pieuses et les bonnes actions après ce mois. Et ceci est un signe de l'acceptation des œuvres. Quant à ceux qui font suivre leurs bonnes actions par des péchés, dès que le mois de Ramadan se termine, ils retournent dans les péchés et l'insouciance. Ils retournent dans les péchés et la désobéissance, les mauvaises actions, et se détournent de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sache que ceci est un signe de la non-acceptation de leurs œuvres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. En effet, ceux qui après le mois de Ramadan retournent dans les mauvaises actions, retournent dans les péchés et se détournent de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est un signe que leurs œuvres ne sont pas acceptées. Et chacun d'entre nous connaît sa personne. Tu connais ta situation. Tu sais ce que tu as accompli comme œuvre durant le mois de Ramadan. Donc tu dois t'analyser, te remettre en question et tu dois faire en sorte que ta situation n'aille qu'en s'améliorant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et continuer tes efforts après le mois de Ramadan. Et ceci est un signe de l'acceptation des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui dont la situation s'empire après ce mois, alors il se doit de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon, car ceci est un signe de la non-acceptation des œuvres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Malgré cela, le serviteur, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas penser que la voie du repentir lui est fermée. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc celui qui voit que sa situation, elle va en s'empirant, il doit s'empresser de se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala, implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et revenir à Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte certes le repentir de ses serviteurs qui se repentent. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions, et il sait ce que vous faites. Donc, en cette fin de mois, tu dois te remettre en question. Afin que tes œuvres soient acceptées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dois multiplier l'imploration du pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, te repentir à lui pour tes manquements, lui demander qu'il te pardonne tes mauvaises actions et faire en sorte de continuer dans les œuvres pieuses après ce mois. Après le mois de Ramadan, tu ne dois pas replonger dans l'insouciance. Beaucoup de personnes, une fois ce mois terminé, vont fermer le mus'haf et ne le rouvrir que l'année prochaine. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Beaucoup de personnes, après ce mois de Ramadan, vont oublier le jeûne, si ce n'est rattraper leurs jours qu'ils ont manqués, puis après, jeûner le mois de Ramadan prochain. Beaucoup de personnes, durant les nuits qui vont arriver, ils vont oublier la prière de nuit. Ils ne vont pas continuer les efforts qu'ils ont entamés durant ce mois. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur son obéissance et de nous faciliter la multiplication des œuvres pieuses après ce mois de Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et d'orienter nos cœurs vers son obéissance. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.